dedans, descend un tour en escalier. Quand on met le ciel est blanc comme le papier plié, un secret resté sans savoir pourquoi. Fini déjà sur mon vélo, la langue qui chante après moi, le cœur. Hãy subscribe.